Et maintenant, on... Peut-on ne pas avoir peur de vieillir ? Peut-on se délecter du corps qui ralentit, trouver du plaisir à la diminution, y voir l'occasion d'une sérénité enfin accessible ? Ou peut-on tout simplement accepter, sans souffrir, ce dont la vieillesse est le signe ultime ? Notre finitude. Et pourquoi a-t-on tant de mal à en parler ? Pourquoi le mot « vieux », quand il s'agit de personnes âgées, dérange-t-il ? Allons sans plus attendre au cœur du sujet. Allons droit au cœur et écoutons ce que le cœur nous dit de notre âge. Tendez l'oreille. Voici le cœur d'un embryon d'un mois, en l'occurrence la fille de notre réalisateur Nicolas Berger, le cœur d'un adulte bien portant et le cœur d'une personne plus âgée atteinte d'une sténose aortique. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voici votre cœur. Il est dans un état lamentable, cet enfant. Bon, je vais lui faire un tonic cardiaque. Ce qu'il lui faudrait, c'est une alimentation normale. T'entends la différence ? C'est pas mal, hein ? Ouais, hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Docteur, qu'est-ce que vous faites ? Je prends ma tension, je me sens pas bien du tout. Bonjour Philippe Abbastado. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez ces cœurs ? Écoutez, c'est le cardiologue qui parle. Vous avez un cœur jeune, un peu rapide, un cœur d'une personne entraînée, c'est-à-dire un cœur lent. Et ensuite, vous avez un cœur, alors là, il faut un peu d'éducation sonore, donc un cœur d'un rétrécissement aortique, c'est-à-dire quand vous écoutez le cœur, vous avez le cœur qui a un souffle, qui s'accélère à la fin et ensuite qui se termine sans éclat, qui se termine par lui-même. Et ça veut dire que la valve de sortie du cœur est rétrécie, calcifiée, et ça, c'est l'apanage de l'âge, c'est-à-dire que c'est une pathologie qu'on trouve en général vers 80 ans, 90 ans, et que maintenant on traite sans opérer, on dirait par dilatation. Donc c'est un nouveau traitement d'une pathologie du sujet âgé. Et donc, quand vous entendez ce cœur-là, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites c'est le cœur d'une personne âgée ou c'est le cœur d'un malade ? Là, c'est le cœur d'un malade. La différence entre une personne... Oui. Alors, c'est le cœur d'un malade. D'abord, c'est évident parce que la personne qu'on examine n'est pas exactement tout jeune. Et en général, on examine les gens de 80 ans torse nu. Et à 80 ans, même si vous êtes un Ironman du passé, vous n'avez pas exactement les chairs de l'Ironman du passé. Vous dites que c'est un malade et pas quelqu'un d'âgé. Pour une raison bête, c'est que finalement, quand vous pouvez soigner, quand vous avez un traitement, on considère les gens comme malades. Quand vous avez une situation qui est un peu une impasse, dans laquelle vous ne pouvez pas apporter d'amélioration, on dit que c'est un sujet âgé. Prenez par exemple un autre exemple, la DMLA, la dégénérescence de l'œil liée à l'âge. Eh bien, le jour, actuellement, on pense que c'est quelque chose du sujet âgé, que c'est lié à l'âge, le jour où on aura un traitement, ce sera une maladie, et ce sera plus simplement l'apanage de l'âge. Donc la maladie suppose presque traitement. Alors que pour la vieillesse, on n'a pas de traitement. Alors pour la vieillesse, on n'a pas de traitement. Actuellement, il y a tout un débat sur le transhumanisme, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est génétiquement programmé pour vieillir. Il y a même des gènes, il y a un gène qui s'appelle le KL sur le chromosome 13. Il y a des métabolismes, la télomérase, qui sont de la protection des chromosomes. On a des métabolismes du calcium qui involuent obligatoirement avec l'âge. Donc de toute façon, même si vous êtes un bodybuilding, je vous rappelle que aujourd'hui, on a des circuits de bodybuilders de plus de 80 ans aux États-Unis. Donc, ils font des altérations, les haltérophiles, ils sont en scène à plus de 80 ans. Mais même ceux-là qui ont des muscles extraordinaires ont des muscles de qualité altérés. Donc, le vieillissement est inéluctable. Vous êtes cardiologue, Philippe Abbastado, on l'aura entendu. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages, un essai d'épistémologie médicale, une aventure picturale du 15e au 20e siècle et enfin le dernier déni, craignons-nous plus la maladie que la mort, c'était aux éditions Albin Michel en 2018. Pensez-vous que le cœur, l'écoute du cœur, l'observation du cœur soit la meilleure façon de définir, de proposer une définition de ce qu'on appelle la vieillesse ? Non. La première chose, c'est que... La maladie, l'étiquette, la vieillesse, ces étiquettes générales ont moins d'importance pour nous que la personne qui est en face de nous. Donc, plutôt que réfléchir en termes « c'est la vieillesse », on se dit « est-ce que c'est une personne âgée ou pas ?» Donc, là, le vieux prime sur la vieillesse. Alors, quelle différence ? Le vieux est une personne ? Le vieux est un humain, le vieux est une personne, c'est celui qu'on va palper, c'est celui sur lequel on va mettre le stéthoscope. La vieillesse est un concept. La vieillesse, c'est pour les philosophes, le vieux, c'est pour le cardiologue ou le médecin général. Donc, le mot « vieux » vous convient ? On parle des vieux. Alors, je préfère le vieux à la vieillesse, je m'intéresse au vieux et à la vieillesse. Je préfère presque, parce que je suis avec vous, le vieux au sujet âgé. Le sujet âgé, il y avait, dans les années 50, la femme était un sujet en philosophie. Aujourd'hui, la vieillesse est un sujet. Et donc, c'est un concept sur lequel on réfléchit. Alors que le vieux, c'est une matérialité, c'est un humain. Et donc, même si je parle par respect vis-à-vis des tiers, en termes de sujet âgé, celui qui m'intéresse, c'est le vieux et la vieille. Et alors, pourquoi on a tant de mal à employer ces mots de vieux et de vieille? Comme si c'était forcément péjoratif. D'abord, qui est-ce qui a du mal? C'est à la fois le jeune et le vieux, mais pour des raisons différentes. Puis ensuite, il y a une pudeur. En France, on ne parle plus de l'aveugle, on parle du non-voyant, on ne parle plus de l'institutrice, on parle de maître des écoles. Mmh. Donc, il y a un glissement du sens des mots, alors que la matérialité reste la même chose. Et il est très important de s'intéresser au vieux, parce que le vieux est devenu très fréquent. Je vous rappelle simplement que ça, actuellement, on a 15% de la population mondiale, c'est-à-dire on a à peu près 1,2 milliard de personnes qui ont plus de 65 ans. On va se retrouver avec 20% de la population mondiale à plus de 65 ans en 2030. Donc le vieux est fondamental à connaître parce qu'il y a une chose qui est, et là on revient sur les chemins de la philosophie, c'est que le problème du vieux ou de la personne âgée, c'est qu'il se pose la question de pourquoi ils existent. La personne âgée se dit « maintenant, pourquoi je vis ?» Et en fait, on a un problème donc philosophique fondamental aujourd'hui avec la personne âgée ou avec le vieux. C'est qu'on nous propose des philosophies dans des tas de domaines. Ceux qui sont en questionnement de pourquoi j'existe, c'est pas l'enfant, c'est pas le sujet jeune, il a un avenir, il a un projet. C'est celui qui a accompli ses projets, qui a dépassé, si vous voulez, leur utilité sociale. Et ceux-là, ils sont 1,2 milliard sur Terre. Et ils se demandent pourquoi je vis. Et là, il y a un problème majeur. Et là, c'est le propre de la vieillesse aujourd'hui, ce que vous êtes en train de décrire. Avant, les gens mouraient. À partir du moment où les gens sont morts, ils ne se posent pas de questions. Quand les gens sont vivants, il se pose la question de pourquoi je vis. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a une évolution fondamentale de la pensée par rapport au vieux et à la vieillesse. C'est qu'avant, le vieux était absent. Aujourd'hui, le vieux existe. Alors, si on fait une petite distinction conceptuelle pour continuer à discuter ensemble, le vieux, on l'a vu, c'est un état. Il y a des vieux concrets, ce qu'on peut observer. La vieillesse, c'est une conséquence de l'âge sur les possibilités du corps et de l'esprit. Et le vieillissement, ce serait quoi? Le phénomène évolutif? Alors, c'est la sénescence. Le vieillissement, c'est la sénescence. Donc, le grand maître... Sénescence, hein, là, voilà. Alors, actuellement, le mot choisi, c'est la sénescence. C'est le vieillissement normal, mais qui part de la naissance et qui aboutit à la mort. Et ça, c'est Canguilhem qui fait une sorte de flèche orientée, donc où il y a une évolution progressive du corps et autres durant toute notre existence. On va l'entendre d'ailleurs, Georges Canguilhem. C'était dans l'heure de culture française le 5 septembre 1951. Écoutez-le, il nous raconte comment le vieillissement commence bien au berceau. Tout être vivant a une histoire irréversible. Il développe ses potentialités et les épuise. Biologiquement, le vieillissement commence à la fécondation de l'œuf. Une vie est faite de mort partielle. Un enfant naît précisément au moment où son placenta atteint la limite de son évolution propre. Notre rate, par exemple, est un cimetière où les cellules du système sanguin meurent chaque jour par centaines de milliers. On dit que les adultes ont l'âge de leurs artères, c'est-à-dire de leurs soucis, puisque la réaction athéromateuse est liée à l'activité du système neuro-endocrinien et notamment à l'hyperactivité des sécrétions surrénaliennes. Mais il me semble que nous ignorons encore ce qui vieillit exactement dans un organisme. Sont-ce les cellules ou les liquides interstitiels? S'agit-il d'un dérèglement de régulation? On n'en sait rien. Comment définir la vieillesse et le vieillissement? C'est la question que pose Georges Canguilhem ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie. On va parler de vieillesse toute cette semaine, aujourd'hui en compagnie du cardiologue Philippe Abastado. Pour Canguilhem, au fond, on peut le dire ainsi, la vieillesse serait un stade normal de la vie qui apparaît dès que l'œuf est fécondé, nous dit-il. Alors, première remarque, c'est que les questions que pose Canguilhem sur la physiologie, etc., ont largement progressé. La génétique et tout ça, ça a largement progressé. La deuxième chose, c'est que la vieillesse, chez Canguilhem, est la norme. Mmh. Donc, ça fait partie de la norme. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, nombre de philosophes, et donc Simone de Beauvoir, entre autres, considèrent qu'au contraire, que la vieillesse n'est plus la norme. C'est ce qui est anormal de manière le plus absolue. Canguilhem était médecin et on ne peut pas en tant que médecin ne pas considérer comme norme le fait de voir la quasi-totalité de notre clientèle, patientèle, patient vieillir et on en trouve d'ailleurs du bonheur de voir nos gens vieillir. Un médecin trouve que quand le patient arrête de vieillir, c'est un échec. Ah oui? Ça veut dire qu'il ne vit plus. Donc notre métier, c'est de faire que les gens vieillissent le plus longtemps possible, le mieux possible. Notre finalité, c'est que faire des vieux heureux. Oui, mais alors ça, comment on le fait justement quand on est médecin? Parce que vous vous occupez du corps plus que de l'âme, justement. Votre rôle n'est pas non plus de rendre les gens heureux, si? Notre but n'est pas de rendre les gens heureux, mais si vous avez le moindre bobo au quotidien, vous avez mal, vous avez le lumbago du matin et vous avez le pied qui rebelle, le bonheur n'est pas non plus possible. Donc nous, on fait une partie du travail. Je crois que le philosophe doit faire la deuxième partie du travail. C'est-à-dire que, et là je reviens, c'est qu'il y a une urgence philosophique, il y a quand même 1 milliard d'individus qui se disent « pourquoi je vis ?» Mmh. Et c'est pas un travail facile, et ça je crois que c'est absolument à faire. Le meilleur exemple de cette souffrance, c'est que à peu près, on observe tous que le sujet âgé devient de plus en plus religieux. La religiosité du sujet âgé, c'est quand même la preuve que le sujet âgé se pose une question philosophique. À l'inverse, le fait que nombre d'entre eux choisissent le jeunisme, la fortune de la chirurgie esthétique est en grande partie faite parce que les sujets âgés, la jeunesse, c'est pas les jeunes qui veulent être jeunes, c'est le vieux qui veut être jeune. Et donc, il va recourir à des techniques quand même assez agressives pour rester ou paraître jeune. Donc, c'est la preuve même qu'il y a souffrance donc, dans cette population et que cette population doit lui apporter ou doit essayer de lui apporter une raison de vivre, une réponse à la question « pourquoi je vis ?». Oui, ce qui paraît assez évident, parce que quand on fait l'expérience d'un corps qui diminue, d'un cœur qui fonctionne moins bien, c'est normal qu'on commence à s'interroger peut-être sur les raisons de notre existence ici-bas. Exact. Mais dans ce cas-là, le travail est de leur proposer donc une attitude et ne pas être simplement, être capable de donner une réponse à cette part de la société. Mmh. Donc je crois que là, il y a travail nécessaire. Et ce travail a été abordé par nombre de philosophes. Quand vous prenez les Montaigne, Kant, Descartes, tous ces gens-là, c'était des vieux, ou même pas tellement, mais rares. C'est-à-dire que la vieillesse n'était pas quelque chose de prévu. Maintenant, nous, on pense que la vieillesse est quasiment inéluctable. Donc, il est évident que le rapport de la société à la vieillesse va changer de manière fondamentale si le vieux est rare ou le vieux est fréquent. Et je crois que les réflexions sur la vieillesse ont débuté à la fin du 19e de manière un peu marqué dans la littérature. Quand vous prenez tous les vieux de Balzac, par exemple, donc les descriptions tant de Goriot que des descriptions dans la vieille demoiselle avec le vieil aristocrate, etc. Donc on a commencé par la littérature à se poser la question qu'est-ce que c'est qu'un vieux? On a commencé par décrire le vieux, et puis ensuite, au milieu du XXe siècle, il y a eu les premières ébauches philosophiques, et maintenant, il faut en tirer une sorte de conclusion, une certaine idée de ce qu'on peut proposer au sujet âgé. Mais est-ce que, par exemple, l'entreprise de définition des termes qu'on emploie, comme le faisait Canguilhem, hein, pour venir quand même à l'archive qu'on a entendu du ouais, vieillissement, peut aider? Est-ce que vous avez une définition à proposer de ce qu'est le vieillissement? Du vieillissement, j'abonde dans le sens de Canguilhem, j'ai une définition du vieux. Ouais. Pour moi, le vieux, c'est quelqu'un qui ne se sent plus en utilité sociale. Et donc ça, c'est le début du vieux. Et la fin du vieux, c'est 1 an avant la mort. Pourquoi? Parce que la dernière année, la maladie domine. Donc je dirais presque par rapport au sentiment d'être, on est presque en soins palliatifs dans quand vous passez d'un hôpital à un autre à hôpital. Donc le vieux peut débuter assez jeune, mais c'est à partir du moment où l'individu ne se sent plus en utilité. Donc par rapport au corps social, par rapport à sa famille, par rapport à lui-même. Donc vous ne proposez pas une définition biologique? C'est une modalité d'insertion, une absence d'insertion dans la société. L'absence de perception d'utilité. Oui. Donc, et je crois que c'est ça qui domine. Quand vous demandez, quand vous avez une personne âgée, ils essayent d'être utiles jusqu'au bout. Par exemple, mais de manière la plus évidente. Par exemple, ils essayent de transmettre leurs biens. Biens physiques, biens matériels. Quand vous avez des gens qui se plaignent sur les taux de transmission des héritages, ce sont souvent les donneurs et pas les receveurs. Parce que ce qui les intéresse, c'est d'être utile. Donc, c'est d'être cette perte de sensation d'utilité qui est l'élément qui me paraît fondamental et qui définit le début du vieux. Le problème, c'est que lorsqu'on confie aux autres le soin de définir qui est vieux et donc de juger du degré d'utilité d'un vieillard ou non, bah, ça peut donner ceci. Okay, give it. Here you go. Oh. Well, what is it? It's a gopher. Merci beaucoup, Karen. Oh, y a rien de mal à essayer de vous rendre la vie un tout petit peu moins difficile. Karen a raison, papa. Tu as travaillé dur toute ta vie. Il serait peut-être temps que tu commences à moins te fatiguer. Et puis, il y a aussi qu'on a réfléchi à cette maison. Tu sais, maintenant que maman est morte, elle va être difficile à entretenir. Mm-hmm. Et tu te retrouves ici, tout seul. C'est vrai, alors qu'aujourd'hui, il existe des endroits formidables, des sortes de communautés où vous n'avez plus à vous soucier de la tondeuse ou d'éblayer la neige. Vous savez, où les gens sont comme vous, actifs et éveillés, mais très très seuls. Et ça leur ferait beaucoup de bien d'être entourés de copains qui ont le même âge. Oh, c'est vrai, papa. Ces endroits n'ont rien à voir avec l'idée que tu pourrais t'en faire. Non, ils sont extra. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment très très beaux. Ça donne pratiquement l'impression de vivre à l'hôtel. Ils sont magnifiques. Magnifiques. C'est vrai. Quel fils de pute! Nous foutre à la porte le jour de son anniversaire, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Je sais, t'avais raison. Il laissera jamais personne lui filer un coup de main. Au moins on aura essayé, on peut laisser tomber maintenant. Alors évidemment, quand le vieux c'est Clint Eastwood, les choses ne se passent pas comme prévu, Philippe Abbastado. Ici on a un exemple magnifique tiré du film Gran Torino, réalisé en 2008, de la souffrance que peut ressentir la personne âgée qui est peut-être vieille biologiquement dans son corps, mais qui surtout ne supporte pas qu'on le réduise, alors cette fois-ci presque à un enfant, parce que c'est une chose dont on n'a pas parlé, c'est que le vieux parfois est traité comme un enfant. Alors, il y a plusieurs choses. Directement sur le sujet que vous avez présenté, actuellement, on a une vision assez matérialiste du vieux. Cette vision assez matérialiste fait que finalement, le grand sujet, c'est l'autonomie. Donc, l'autonomie, c'est on suppose que les gens, jusqu'au bout, seront capables de décider de faire ce qu'ils veulent. Le problème de l'autonomie, d'abord, c'est qu'on c'est très élitiste, parce qu'il faut avoir un niveau intellectuel, financier, etc., pour être autonome. La deuxième chose c'est de l'autonomie, c'est que, en pratique, ça néglige le déclin progressif des gens, et en particulier le déclin intellectuel des gens. Et on arrive souvent à des sortes d'autonomie borderline où la personne âgée décide, on organise quelque chose, il décide de faire le contraire et on arrive des fois à des situations assez intenables dans les phénomènes d'autonomie. Quiconque a des parents un peu âgés sait que de temps en temps c'est un peu difficile de laisser l'autonomie pour rester au premier plan. Et le principe d'autonomie, c'est on le laisse la personne âgée choisir. Je me demande de temps en temps si ce n'est pas une manière un peu de se débarrasser du vieux. C'est le vieux doit se débrouiller par lui-même, si vous voulez, et seulement par lui-même. La deuxième chose que vous vouliez dire, que vous m'avez dit, c'est Clint Eastwood. Ouais. La subjectivité, il faut bien voir, c'est que la personne âgée n'a pas... il faut pas réfléchir comme pour le sujet jeune. La personne âgée, d'abord, à une formation qui repose sur l'expérience. Quand vous êtes jeune, vous construisez des idées, vous avez des projets, vous apprenez dans les livres. La connaissance du sujet âgé est une connaissance empirique. Il a vécu. Et donc, par rapport au savoir, vous avez une attitude radicalement différente. La deuxième chose, c'est que la subjectivité du sujet âgé n'est pas la même. Regardez l'émotivité du sujet âgé. Regardez la sensibilité du sujet âgé. Et en plus de ça, cette subjectivité différente est marquée par un langage différent. Ce qui vous paraissait, quand vous avez 20 ans ou 30 ans, on vous propose une idéologie. Quand vous avez 70 ans ou 80 ans ou 95 ans, vous êtes souvent enclin à garder la même idéologie. Et donc, ce qui est important, c'est que les mots ne sont pas les mêmes. Il y a un grand problème de langage à travers une génération. On parlait tout à l'heure, je ne me rappelle plus de quel mot exactement, sur les glissements de sens. Ouais. On parlait, le glissement de sens au sein de 60 ou 70 ans dans les, de mots, de vie est considérable. Regardez les injures, regardez les jurons. Les personnes âgées ne peuvent pas accepter les jurons d'hier, alors que tout le monde l'utilise de manière. Donc, il y a une grosse difficulté de cultures différentes et de ruptures entre le sujet âgé dans son discours. Et ben alors, quand c'est Clint Eastwood, en plus de ça, belle gueule, etc. C'est Clint Eastwood, il était beau. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il était sûr de lui. Et puis là, vous avez un monsieur qui a 80 ou 81, même si c'est Clint Eastwood. Il est toujours beau. Eh ben, oui, d'accord, mais et par rapport à lui-même, non. Par rapport à lui-même, écoutez, vous avez on a tous l'expérience de gens qui ont été splendides, très beaux, et puis ils allaient arriver quelque part, des filles absolument extraordinaires, elles arrivaient quelque part, tout le monde se taisait, elles étaient en première position, en pole position. Vous êtes passé du masculin au féminin, là. Oui, c'est non, plus dur de vivre pour les femmes, mais c'est je vais ça dire pourquoi, mais c'est sympa, parce que l'exemple, tout le monde l'a en tête, la même fille se retrouve 50 ans plus tard, et elle n'a plus, parce que la femme a heureusement une attitude de vedette dans notre société. Et bien cette femme qui était la vedette, qui était au premier plan à 20 ou 30 ans, elle se retrouve à 70 ans, elle a du mal à ne pas avoir le comportement social qu'elle avait quand elle avait 20 ou 25 ans. Donc ce que je veux dire, c'est que quand vous vieillissez, votre langage n'est plus en adéquation avec le langage des jeunes. Oui, et ce que vous avez dit très intéressant, c'est qu'au fond, on appelait à l'autonomie des vieux, c'est une manière de se débarrasser d'eux. On croit que c'est les mettre en EHPAD qui est une manière de se débarrasser d'eux, mais en fait non, c'est de dire débrouillez-vous tout seul. C'est vous débrouillez-vous tout seul. Et ce qui est terrible en plus de ça, c'est que on croit que les gens sont autonomes. En France, on est dans un pays où il y a la retraite. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie du sujet âgé? C'est qu'on vous laisse le droit de dépenser l'argent de votre retraite. Mais la retraite est versée, même si vous avez travaillé, même si elle est légitime et justifiée, vous touchez de l'argent que d'autres vous donnent. Donc le sujet âgé, dans l'autonomie au sens français du terme, est quand même quelqu'un qui est dépendant de l'autre. Et il est dépendant d'un système. Et dans les temps à venir, où le nombre de sujets âgés ne va que croître, j'ai bien peur que cette autonomie, pour des raisons simplement économiques, décroissent. On va remonter dans le temps, puisque, je l'ai dit, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Philippe Abbastado, et dans lesquels vous aimez explorer alors à la fois la peinture, mais aussi des textes de philosophes, et notamment Michel de Montaigne. Et dans le texte que vous allez entendre, Montaigne va expliquer pourquoi. Il ne faut pas oublier, et surtout à l'époque où il écrit, c'est-à-dire au XVIe siècle, les vieux sont d'abord des chanceux, car c'est ceux qui ne sont pas encore morts. Quelle sottise que de s'attendre à mourir d'un affaiblissement de nos forces qu'apporte l'extrême vieillesse, vu que c'est la plus rare de toutes et la moins répandue. Mourir de vieillesse, c'est une mort rare, exceptionnelle et extraordinaire, et par suite moins naturelle que les autres. C'est la dernière et l'extrême sorte de mort. On peut d'autant moins s'y attendre qu'elle est plus éloignée de nous. C'est bien la borne au-delà de laquelle nous n'irons pas. La loi de nature a prescrit qu'elle ne soit point dépassée. Mais elle a ce rare privilège de nous faire durer jusque-là. C'est une exemption qu'elle accorde par faveur particulière à un seul homme en l'espace de 2 ou 3 siècles, le déchargeant des obstacles et des difficultés qu'elle a semés entre les deux termes de cette longue route. Ainsi, mon opinion est de considérer que l'âge auquel nous sommes arrivés est un âge auquel peu de gens arrivent. Puisque, à une allure ordinaire, les hommes ne parviennent pas jusque-là, c'est un signe que nous sommes bien plus avant. Et puisque nous avons dépassé les limites habituelles qui définissent la vraie mesure de notre vie, nous ne devons pas avoir l'espoir d'aller bien au-delà. Ayant échappé à tant d'occasions de mourir où nous voyons trébucher les humains, nous devrons reconnaître qu'une fortune extraordinaire comme celle qui nous maintient en vie et qui est hors de la norme ne doit pour nous guère durer. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de vieillesse cette semaine, aujourd'hui en compagnie du cardiologue Philippe Abbastado. Mourir de vieillesse, dit Montaigne, mais finalement ça paraît inespéré à l'époque. Alors, vous avez dit, je suis un admirateur de Montaigne. Un lecteur, j'ai dit. Un lecteur, vous avez raison. Votre correction est bienvenue parce que je me demande si ce n'est pas un tricheur. Ah, c'est vrai. Pourquoi je pose la question? Parce que, en fait, dans le monde aristocratique, on a la durée de vie, l'espérance de durée de vie, pardon, des nobles à partir du 15e siècle. Et schématiquement, du 15e siècle jusqu'au 18e siècle, à 25 ans, donc la durée de vie était d'environ 35 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque de Montaigne, un noble, à fois qu'il avait atteint l'âge de 25 ans, allait mourir entre 60 et 65 ans. Montaigne est mort à 59. Donc en fait, Montaigne est mort à peu près ce que devait mourir un aristo de son époque. Mmh. Donc je me suis posé la question s'il n'était pas un peu malhonnête, parce qu'il était entouré de gens qui avaient la soixantaine. Ça existait, ce n'était pas exceptionnel. Les femmes mouraient un an ou deux ans avant. Donc je me demande si en fait il ne prend pas l'alibi de la vieillesse pour se retirer. Ouais. Si en fait la vieillesse, parce que ça correspond au moment où il va se retirer de ses charges de maire de Bordeaux. Voilà. Et donc je me demande si la vieillesse n'est pas une chose très utile pour lui, en se disant, à partir de 30 ans, il commence à revendiquer de partir, à 40 ans, il se dit vieux, il va quand même travailler à peu près encore jusqu'à 59 ans. Donc est-ce que ce n'est pas un alibi pour se retirer du monde et faire ce qu'il a envie? En tout cas, ce texte vient juste après, dans les essais, l'évocation du suicide de Caton, Caton le Jeune, qui donc lui a choisi de donner la mort à 48 ans. Et Montaigne ne condamne pas ce geste, mais il en profite, peut-être qu'on peut lire le texte ainsi, pour rappeler que la vieillesse est un luxe très rare, peut-être pour encourager justement à vivre, même quand on est vieux, on peut le lire comme et, ça. Et Montaigne a deux fois fait référence au suicide. Il a également, dans les coutumes de l'homme de CO, donc accepte le suicide du sujet âgé si c'est dans les souffrances. Donc il accepte la notion d'euthanasie, si vous voulez, en raison de l'âge, ce qui est naturellement tout à fait atypique dans le monde chrétien de l'époque. Et si on reste sur Montaigne un instant, là, quand il parle de vieillesse, c'est difficile de ne pas penser aussi à la maladie dont il fait grand cas dans les essais. C'était un homme malade qui souffrait de la gravelle, on appellerait ça aujourd'hui une colite néphritique, c'est j'imagine. Voilà, et il y a des pages innombrables pour montrer comment la maladie, la douleur ressentie lorsqu'il est malade, lui fait apprécier à sa juste valeur ce qu'est la vie elle-même quand il n'est plus dans la douleur. Pour la vieillesse, est-ce qu'on peut en dire pareil? Au fond, on repose la question de la comparaison entre maladie et vieillesse. Parce que la vieillesse, ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas comme la maladie, on ne peut pas en guérir. Alors, première chose, c'est que dans la maladie des pères, de l'essai que vous évoquez, c'est une critique des médecins. Schématiquement. Féroce, d'ailleurs. Féroce. Oui. Mais les médecins ne savent rien, mais mon docteur est un brave type. C'est ça, à peu près. Bon, c'est au XVIe siècle, faut pas le prendre personnellement. Non, mais c'est quand même... Et il dit que finalement, la chance soigne aussi bien que la médecine. La deuxième chose, chez le sujet âgé, il y a la forme et la méforme. Il y a une chose qui est absolument extraordinaire aujourd'hui. Première chose, c'est que les gens sont avancés en âge et se font des projets pour l'avenir extraordinaires. Prenez les clubs de vacances, les croisiéristes, etc. Ils ont 70, 75, 80 ans, ils prévoient le tour du monde dans 3 ans. Donc la notion de finitude, la notion de méforme, l'absence de projet chez le sujet âgé tend à s'estomper. On a même des gens qui achètent des maisons à crédit en faisant transmettre les dettes sur les enfants. Donc il y a le côté inéluctable de la vieillesse, ce n'est pas quelque chose de toujours perçu. La deuxième chose, c'est que chez le sujet âgé, le symptôme est perçu de manière assez irrégulière. Il y a les jours où vous êtes en forme, là vous avez 20 ans. Vous avez mal aux genoux, vous avez mal au dos, etc. Et vous pouvez faire une partie de tennis. Et puis les jours où vous n'êtes pas en forme, sortir de votre appartement, c'est impossible. Et donc, il y a une variabilité de la forme chez le sujet âgé qui conditionne le quotidien du sujet âgé. Et ça, c'est très important. Tournez-vous. Toussez. Ça suffit. Ça suffit. C'est grave, docteur. On peut vivre très longtemps avec ce que vous avez. Faites-moi confiance. Ah bah alors... Alors ça, c'est grave. C'est le cœur, n'est-ce pas? Non, c'est un peu tout. Comment vous dire? Vous êtes usé, c'est ça, vous êtes usé, monsieur... Martinet, c'est ça. Eh bien, vous êtes usé. Usé? Qu'est-ce que je dois faire, docteur? Quel âge avez-vous? Puis, 59 ans, bientôt 60. Moi, je serai vous. Je prendrai ma retraite anticipée. Ma retraite? Ben, c'est que ça... Ça va pas faire bien lourd. Alors, monsieur Martinet, vous avez bien quelques petits sous de côté? Quelques petites économies? Les économies, j'ai acheté une petite maison au bord de la Méditerranée, dans un village de pêcheurs. Ah, c'est bien, hein? c'est très joli. Le village s'appelle Saint-Tropez. Vous n'avez pas pensé aux viagers? Aux viagers? Oui, de viager, ce serait la bonne solution. J'y penserai, docteur. J'y penserai. Les enfants et les vieillards sont plus enclins à pleurer que ceux du Moyen-Âge. Mais c'est pour diverses raisons. Les vieillards pleurent souvent d'affection et de joie, car ces deux passions jointes ensemble envoient beaucoup de sang à leur cœur, et de là beaucoup de vapeur à leurs yeux. Et l'agitation de ces vapeurs est tellement retardée par la froideur de leur naturel qu'elles se convertissent aisément en larmes, encore qu'aucune tristesse n'ait précédé. Que si quelques vieillards pleurent aussi fort aisément de fâcherie, ce n'est pas tant le tempérament de leur corps que celui de leur esprit qui les y dispose. Et cela n'arrive qu'à ceux qui sont si faibles qu'ils se laissent entièrement surmonter par de petits sujets de douleur, de crainte ou de pitié. Le même arrive aux enfants, lesquels ne pleurent guère de joie mais bien plus de tristesse, même quand elle n'est point accompagnée d'amour. Car ils ont toujours assez de sang pour produire beaucoup de vapeur, le mouvement desquels étant retardé par la tristesse, elles se convertissent en larmes. À quoi reconnaît-on que quelqu'un est vieux? D'un côté, René Descartes, qui s'intéresse aux larmes et montre la différence entre les larmes d'enfant et les larmes de vieillard selon la médecine de l'époque. Là encore, je rappelle, au XVIIe siècle, on ne connaissait pas le corps comme on le connaît aujourd'hui. De l'autre, le film de Pierre Tchernia. Le film s'appelle Le Viager, justement. Il date de 1972 avec Michel Galabru, le médecin, et Michel Serrault, le patient. Et là, on serait plus justement dans le cas de quelqu'un qui ne se considère pas comme étant vieux, un vieux que vous appelleriez, j'imagine, Philippe Apastado, asymptomatique. Alors, Descartes et Pierre Tchernia. Descartes, d'abord, eh bien, Descartes, en fait, comme Kant d'ailleurs, finalement, c'est la séparation classique corps et âme, et finalement, la vieillesse, alors il était très enclin à la médecine, hein, il se prenait pour médecin, il travaillait sur la médecine, enfin c'était sa passion. Le corps, enfin la vieillesse était un problème technique. C'est une machine à s'occuper et que finalement le vieux était la vieillesse appartenait au corps et qu'au corps. Ce que vous avez lu mettait la subjectivité du vieux, mais fondamentalement Descartes pensait la vieillesse comme de la technique et c'est tout. La deuxième chose de Pierre Tchernia, vous dites que c'est 1972, 1970, la vieillesse, c'est l'ère du temps. C'est pourquoi l'ère du temps? Parce que finalement... La vieillesse de texte de Beauvoir. De Simone de Beauvoir. Pourquoi c'est l'ère du temps? Parce que c'est une vision matérialiste. Là c'est encore. Que, donc, Simone de Beauvoir considérait la vieillesse, la retraite comme un élément de guillotine. Et ensuite, dans son livre, la matérialité, la difficulté matérielle du vieux était un de ses sujets principal. Et donc finalement, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est le côté matériel qui est mis en avant. Ouais. Vous êtes âgé, donc en plus de ça, 1970, les caisses de retraite n'avaient pas tous les problèmes actuels, donc on pouvait mettre les gens en pré-retraite rapidement. Maintenant, on n'est plus dans cette tendance économique actuelle. Mais finalement, vous êtes vieux, on vous met à la retraite et vous avez de quoi vous payer votre retraite. Le patient, le sujet âgé de l'épisode, lui n'était pas heureux. Lui, il se demandait où il allait. Il se posait la question non seulement comment je vais manger, j'ai une petite retraite, etc. Mais on entendait très bien à la voix de l'acteur que, en fait, il était perdu. Il ne savait pas ce qu'il avait. Mmh. Et c'est ça le problème. Et ce que je reproche un peu, puisqu'on vous venez de citer Simone de Beauvoir, c'est que de Simone de Beauvoir, quand dans son livre sur la vieillesse, il y a une première partie qui est des considérations générales, comment on arrive à vivre, comment se fait l'économie de la retraite, d'un versant de l'extérieur. Et puis ensuite, donc, elle fait la deuxième partie du livre où c'est de l'intérieur, mais je suis une petite vieille parmi les petites vieilles. Et je suis perdu comme les autres. Et que vous pouvez être un écrivain, vous pouvez être un teinte, vous pouvez être Jean 23, vous pouvez être Pétain. Quand vous êtes vieux, vous êtes tous un peu perdus. Vous avez pas de projet. Et ce petit vieux qu'on a entendu du film de Pierre Tchernia, il n'avait pas de projet, il était perdu. Et c'est, je pense que ça témoigne d'une souffrance et que je reviens à ce que je disais initialement, c'est cette souffrance qu'il faut combattre. Mais ça veut dire que si on est perdu, comme vous dites, que vous insistez beaucoup sur cette notion de désorientation du vieux, quand on a 20 ans, on peut être vieux à 20 ans alors. Est-ce que c'est un symptôme ou c'est une cause? Voyez ce que je veux dire? À 20 ans, si vous voulez, si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas d'utilisé... Oui, mais on ne sait pas non plus pourquoi on existe, on ne sait pas non plus à quoi on sert. Oui, mais vous êtes tourné vers l'avenir, alors que le vieux, l'avenir est derrière lui. Donc, il y a une sorte de réflexion. Deuxième chose, c'est qu'à 20 ans, ce qui est une différence fondamentale, aujourd'hui en particulier, c'est que les gens fonctionnent par rapport à un désir. C'est-à-dire, vous avez envie d'eux. Le problème du sujet âgé ou du vieux, c'est que les désirs, il peut les avoir, mais il ne peut plus les accomplir. Donc, on n'est pas du tout dans la même problématique du jeune vieux et du vieux vieux. La vision de l'avenir, les capacités devant vous sont radicalement différentes. Mais il y a aussi des vieux jeunes. Alors, les vieux jeunes... quand vous êtes en activité professionnelle, vous êtes en activité haute, c'est facile d'être un vieux jeune. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le jeunisme. Quand vous poussez la chose pour rester jeune alors que vous êtes vieux, c'est souvent un artifice qui cache une angoisse. Mais un vieux qui s'ignore, un vieux qui ne sent pas le regard qu'on jette sur lui, un vieux qui est en bonne santé. Oui, mais bien sûr, je souhaite à la plupart des gens d'être dans ce cas. Mais il faut quand même être tourné vers l'avenir. Alors que quand vous êtes souvent le vieux en bonne santé, de temps en temps, il cherche absolument les décorations, les honneurs et autres, qui sont quand même le témoin de la place du passé. Beaucoup de gens âgés connaissent la peur, et avoir peur, c'est réaliser dans son corps le refus de mourir. Ce qui adoucit souvent la mort des vieillards, c'est que la maladie a achevé de les épuiser, et aussi qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Toutefois, il y a aussi des morts lucides et paisibles, quand physiquement et moralement tout désir de vivre s'est éteint, le vieillard préfère un éternel sommeil à la lutte ou à l'ennui quotidien. La preuve que dans la vieillesse, la mort n'apparaît pas comme le pire des maux, c'est le nombre de vieillards qui décident d'en finir avec la vie. Je m'appelle Jacqueline, j'ai 74 ans et j'ai décidé en janvier 2020 de mettre fin à mes jours. À partir de 75, on commence à avoir de plus en plus d'emmerdes de santé. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, tout ça, c'est vers ces eaux-là que vous attrapez ça. La perte de l'autonomie, pour moi, c'est la fin de la vie. J'ai pas envie qu'on s'occupe de moi, j'ai pas envie d'avoir des infirmières, j'ai pas envie qu'on me mette dans un mouroir, les EHPAD, pour moi, c'est des mouroirs, de me retrouver perfusée, ventilée, infantilisée, et de me faire voir des clowns, et après qu'on me torche. Ça va se passer que je vais dire au revoir à tout le monde et puis après j'irai à Bâle. C'est 3 secondes, vous tournez le robinet d'une paire, vous dites je suis Jacqueline Jacquel, il faut être conscient, sinon on peut pas. J'ai tel âge, maintenant je voudrais en finir, et le médecin s'il est d'accord, il dit bon très bien, voilà. Après. J'ai tout fait, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai fait 3 garçons, j'ai connu l'amour, j'ai connu la passion, mais il vient un moment où ça aussi c'est fini. Dans votre livre, Philippe Abbastado, vous dites « S'interroger sur la maladie impose d'évoquer la mort, je n'ai pu éviter le sujet ». Même chose pour la vieillesse, on ne peut pas parler de la vieillesse sans évoquer la mort. J'ai lu un extrait du texte de Simone de Beauvoir, « La vieillesse donc », et ensuite on a entendu donc cet extrait de Jacqueline Jacquel qui a choisi de se donner la mort. Faut-il parler au sujet de l'euthanasie de mort douce ou de mort volontaire argumentée sur un délabrement de l'être ? Là encore, c'est une affaire de définition. Difficile. L'acceptation de la mort, l'attitude vis-à-vis de la mort est très variable. Il y a d'abord, c'est vrai, la maladie. La deuxième chose, et c'est pour ça que je vous ai dit que dans ma définition, je me mettais 1 an avant la mort, parce que la maladie fausse tout. La deuxième chose, c'est que l'acceptation de la mort est largement conditionnée par sa vie. D'expérience, les gens qui ont dit tout ce qu'ils ont eu à dire, au sens le mot dire, au sens vécu, au sens le plus large du terme, ont souvent une acceptation de la mort beaucoup beaucoup beaucoup plus facile que les autres. Et la troisième chose, c'est que on n'est pas maître de son destin, on n'est pas maître de sa mort, de sa maladie, et je comprends très bien que la peur de dernier moment amène l'envie d'euthanasie ou de suicide. Cette décision est d'autant plus facile que la vie a été pleine. Maintenant, comme tout médecin, on a eu des patients qui ont été milités pour l'euthanasie, qui ont signé des pétitions contre l'euthanasie, etc. Pour l'euthanasie, excusez-moi, et qu'au moment du dernier, ils ne veulent plus l'appliquer. Sur le principe, ils sont d'accord, mais au moment où ça arrive, ils sont d'accord. Je pense honnêtement que les structures suisses et belges qui fonctionnent sur l'euthanasie gagnent beaucoup plus d'argent sur les abonnements et les gens qui n'y vont pas que sur les nombres de gens qui y vont. Donc il y a une déperdition absolument considérable. La deuxième chose, c'est que quand je vous ai parlé tout à l'heure de la souffrance de cette 1,2 milliard de gens, c'est qu'il y a une véritable souffrance et que ce désir de mort est le témoin de cette souffrance. Et en fait, j'ai une attitude assez vitaliste, c'est-à-dire que je pense que pour que cette souffrance soit moins marquée, moins pénible, il faut que les gens conservent un élan vital. Et cet élan vital est tout à fait différent de ce que, par exemple, Simone de Beauvoir propose. Simone de Beauvoir propose rester actif. La mort, la vieillesse est trop dure, donc c'est une déchéance, c'est pas nous, donc rester actif. Je pense qu'il ne faut pas vivre sous un diktat du rester actif, mais il faut que chacun s'accomplisse, se comprenne qu'il s'est remodelé en permanence, qu'il a subi la vie et ses expériences, que certaines de ses expériences conscientes sont enregistrées, d'autres expériences inconscientes vous modèlent aussi, que vos limites donc physiques donc changent, que vous avez un rapport à l'autre qui change. Quand vous étiez jeune, schématiquement, vous étiez responsable de l'autre. Maintenant, l'autre continue à faire le dialogue, mais finalement, il vous apporte. Donc, il faut avoir la notion que la vie n'est pas que simplement des contraintes matérielles, une activité, et que il faut se nourrir de l'autre. L'autre étant en partie soi-même, l'autre étant également le fait que j'ai mal au dos alors qu'avant je n'avais pas mal au dos. Et je crois que beaucoup à la nécessité d'une attitude volontaire des philosophes pour développer un peu un sentiment de la nécessité de l'état vital dans notre société, en particulier vis-à-vis des plus âgés. Oui, mais on peut aussi considérer que l'euthanasie, c'est une sorte de mort qui est davantage du côté de la vie, dans la mesure où Nous allons tous mourir, mais nous pouvons choisir les modalités de notre mort. On parlait d'autonomie tout à l'heure, c'est aussi un acte d'autonomie que le sujet s'octroie. Je suis absolument d'accord. Simplement, ce que je dis, c'est que il y a l'euthanasie un peu tout à élitiste, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'autonomie. C'est-à-dire que peu de gens ont une vie suffisamment pleine, une formation intellectuelle, etc., suffisamment importante pour être prêt à faire de l'euthanasie. Vous croyez ? Il faut un bagage intellectuel pour être... Non pas un bagage intellectuel en termes de diplôme. Mais quand la vie quotidienne, pendant des années, vous a pas tellement formé, quand vous avez passé votre temps devant des télé-réalités, on peut pas dire que vous avez passé à un certain âge une formation intellectuelle majeure. Vous n'avez pas réfléchi sur votre sort. Et la majeure partie des gens sur notre Terre n'ont pas réfléchi sur tout ça. Donc la capacité de l'euthanasie est réservée à une petite marge de la société. Qui ont eu le loisir et le temps de réfléchir loisir, sur leur le propre temps, mort. C'est ça que vous la dites. Sollicitation pour arriver à ce genre de réflexion. Or, je vous rappelle que dans mon propos, c'est qu'on est au milliard d'hommes sur Terre. Donc, on va pas avoir un milliard de gens qui vont s'euthanasier. Donc, il faut prévoir quelque chose pour le grand nombre. Et pour prévoir quelque chose pour Comment le grand faire, nombre... Comment faire, alors ? Eh bien, je pense, et ce que je veux dire, c'est que le développement philosophique de nos sociétés doit favoriser au maximum des philosophies vitalistes. Oui, mais ça s'applique à des gens qui sont en bonne santé. Une personne qui est âgée, malade et qui souffre, elle aura beau lire des ouvrages de philosophie vitaliste, elle voudra choisir de mettre un terme à ses jours de la manière qu'elle l'entend et en évitant de la souffrance. Mais le sujet qui souffre, etc., il faut essayer de le soulager. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'on ne peut pas considérer l'euthanasie comme une solution sociale. C'est-à-dire que le grand nombre, il faut trouver une solution pour le grand nombre. L'euthanasie sera obligatoirement quelque chose réservé à une toute petite marge et que cette petite marge fasse ce qu'il veut. Et le rôle du médecin est particulier dans cet épisode-là parce que le médecin est le tiers. En fait, l'euthanasie suppose l'aide d'un tiers pour aider le patient au passage vers la mort, au fond. Le médecin a un rôle technique particulier, mais c'est un rôle très, très compliqué parce que... vous ne pouvez l'envisager qu'avec un dialogue étroit et ancien avec le patient. On ne peut pas aider les gens à mourir sans connaître profondément leur motivation. On ne peut pas être un prestataire de service, si vous voulez. Et ce que je reproche un peu à toutes ces sociétés suisses et belges, c'est que le médecin est prestataire de service. Que l'on fasse dans la discrétion absolue... D'abord pour respecter l'entourage, les familles, etc. Parce que pour une famille, c'est également une blessure que quelqu'un s'est euthanasié. Que l'on se mette d'accord avec un patient et qu'on l'aide est possible. Mais il faut avoir un dialogue intime, prolongé, pour savoir exactement dans quel état d'esprit est le sujet, que ce ne soit pas une dépression qui s'exprime. Enfin, ce n'est pas une situation... facile. Là, on est encore dans une situation... C'est au cas par cas, vous dites. Au cas par cas, mais on est encore dans un problème élitiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec la rareté des médecins, avoir un système social qui fonctionne là-dessus. Ça n'est que sur un système, sur une petite quantité de gens. Et, tant par les médecins que par le niveau requis chez les sujets. Montaigne disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Est-ce que vous pensez que le médecin, vous l'avez dit, son rôle est aussi d'aider ses patients à bien vieillir, mais aussi peut-être de l'aider à mourir ? C'est son rôle aussi ? Le curé a disparu. Le médecin le remplace, c'est ça ? Mais le médecin ne le remplace pas non plus. Je crois que les gens sont très seuls. Je crois que les gens sont très seuls. La maladie range déjà les gens seuls. Quand vous avez mal, vous êtes le seul à souffrir. Et et les EHPAD et autres situations sont des, qui sont les situations du grand nombre, les gens sont très seuls. Combien de gens restent toute la journée dans leur chambre sans voir qui que ce soit, un passage le matin, un passage le soir. Donc notre société est une société. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'autonomie était un peu une illusion. L'autonomie permet la solitude. Parce que comme on n'y a pas d'ingérence de l'autre dans votre vie, eh ben débrouillez-vous tout seul. Donc l'autonomie qui est le mythe actuel, parce que ce qui paraît bien, je suis libre, je fais ce que je veux, a des revers qui sont pas négligeables. Ce qu'on a vu d'ailleurs pendant l'épidémie de Covid, qui est encore lieu aujourd'hui. Et une dernière question concernant votre pratique, justement là, c'est vraiment aux médecins que je m'adresse. Est-ce que le fait, les connaissances que vous avez en médecine, votre pratique de la médecine change, pensez-vous, votre rapport à la vieillesse et à la mort? Est-ce que vous êtes plus préparé, moins préparé? Je pense que dès les premières années de médecine, vous avez un rapport à la vieillesse et à la mort. Il y a eu des tentatives de mettre des philosophes, des doctorants en philosophie dans les études de médecine. C'est un bon souvenir, c'était en troisième et quatrième année, avant que les jeunes se mettent à préparer l'internat. Et les doctorants, donc, ont la trentaine, 35 ans, et les doctorants ne tenaient pas. Pourquoi ? Parce que ces gamins qui ont 22, 23 ans ont d'emblée un rapport à la mort. Et donc le rapport à la mort, à la médecine, même si vous avez ensuite une discipline qui est moins en contact avec la mort que la mienne, vous forme très très tôt. Donc je pense pas, donc où vous êtes capable d'écouter l'autre, et ça c'est une qualité humaine, où vous n'êtes pas capable d'écouter l'autre. Mais le métier vous fait un rapport à la mort très précoce. Oui, c'est ça. Et qui vous fait l'accepter plus facilement, vous pensez ? Ou pas forcément ? Pas forcément. Oui. Pas forcément. Pas forcément. Et la vieillesse, c'est pareil. Regardez les vieux médecins, ils sont tous comme les autres. Il n'y a pas d'éléments. Non. Moi, je crois pour autant, parce que je vous ai parlé de la solitude et de la mort, je tiendrai quand même à terminer par une note d'optimisme. Il vous reste 30 secondes, allez-y. Alors, l'optimisme, c'est très simple. C'est que actuellement, les sujets âgés vivent grâce à l'autre. Et qu'on se trouve avec beaucoup de sujets âgés et on continue à s'occuper, la société s'occupe encore des personnes âgées. Je ne sais pas si combien de temps ça a duré, mais qu'on est quand même une société qui s'occupe de millions de gens qui sont non productifs. Et ça, je trouve que s'occuper des vieux de notre société est un signe d'optimisme pour notre société. Merci beaucoup Philippe Abbastado. Je renvoie à vos ouvrages qu'on mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, notamment le dernier des Nick, Craignons-nous plus la maladie que la mort, aux éditions Albin Michel. Et c'est avec Le vieil homme de Neil Young que nous nous quittons. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, vous vous posez une question, mais qu'est-ce que ça raconte au fond la littérature ? Alors c'est une question qui n'a rien d'évident. Je ne parle pas bien sûr de ce qu'il y a dans les romans et les poèmes, des héros et des problématiques qu'on y trouve. Je parle de la possibilité d'un grand récit qui aurait infiltré toute l'histoire littéraire. Vous voulez dire l'histoire littéraire elle-même envisagée comme une intrigue millénaire ? Voilà. Alors qu'est-ce qu'une telle intrigue pourrait nous raconter ? Il est en réalité très rare qu'un auteur de littérature tente de répondre à cette question, tente d'y répondre sérieusement en nous épargnant le kitsch de la nécessité ou le cliché de la liberté souveraine. Qu'est-ce que raconte la littérature ? Pourquoi est-ce qu'on en fait ? C'est une question auxquelles justement a essayé de répondre Roberto Bolaño peu de temps avant sa mort dans une conférence qu'il a donnée à Caracas. Alors, longtemps confidentielle, son œuvre venait alors d'être enfin reconnue et Roberto Bolaño apparaissait enfin pour ce qu'il est désormais resté le dernier grand romancier du XXe siècle. Il venait de publier Les Détectives Sauvages, une épopée littéraire qui est l'un des très rares livres qui puisse regarder en face et l'Odyssée d'Homère et le Don Quichotte de Cervantes. C'est justement dans cette conférence de Caracas que Bolaño évoque le plus directement la figure de Cervantes. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'il reprend l'intrigue littéraire là où celui-ci l'a laissé ? C'est mon hypothèse. Il le fait en se demandant quelle est la nature de l'activité littéraire. Sa réponse est très belle. Il dit « savoir mettre la tête dans l'obscur, savoir sauter dans le vide, savoir que la littérature fondamentalement est un métier dangereux, courir au bord du précipice. D'un côté, l'abîme sans fond et de l'autre, les visages que l'on aime, les visages souriants que l'on aime et les livres et les amis et les repas. » La littérature serait donc une activité dangereuse, peut-être l'un des bords du monde, le récit d'une interminable reconnaissance de ceci qui pourrait se confondre avec le mal ou avec cette frontière nord du Mexique où disparaissent les jeunes femmes de 2666, le dernier roman de Bolaño. Cette question du danger de la littérature ramène alors Bolaño à une vieille question, celle traitée justement par Cervantes, celle de la primauté entre le métier des armes et celui de poète. Je suppose, note très justement Bolaño, que dans le fond, ce que l'on discute, c'est le degré de danger qui est aussi, s'il y a une manière de parler de la vertu que renferment ces deux professions. Ça m'a fait un petit choc d'entendre ainsi parler de vertu. Ce n'est plus franchement un terme qu'on utilise et encore moins quand on parle de littérature. C'est un terme que j'avais enfermé et laissé dépérir dans mes vieux livres d'Aristote. Ce n'est certainement pas un terme que je me serais attendu à voir ressurgir à la fin du XXe siècle. Bon alors Aurélien, est-ce qu'on peut dire que le métier de poète l'emporte en termes de vertu sur le métier des armes ? Eh bien non justement, et c'est une déception. On apprend que la préférence de Cervantes en tout cas va au métier des armes. Mais Bolaño nous explique pourquoi. C'est pour Cervantes, l'ancien militaire, une façon de choisir sa jeunesse. Et à son tour, Bolaño se souvient qu'il a croisé dans sa jeunesse à lui, en tant que révolutionnaire sud-américain, en tant que prisonnier de Pinochet, le monde des armes. Et lui aussi envisage à son tour son œuvre, écrit-il, comme une lettre d'amour ou d'adieu à sa propre génération, une génération sacrifiée, toute l'Amérique latine est parsemée des ossements de ces jeunes gens oubliés. Après la notion de vertu, Bolaño fait intervenir, plus anachronique encore, la notion d'honneur. Comme les vétérans de l'épande de Cervantes et comme les vétérans des guerres fleuries d'Amérique latine, mon unique richesse est mon honneur, écrit-il. Cela achève de donner à son discours une splendeur antique absolument inattendue, et sublime à la fois. Lui-même, l'ironiste, le moderne, n'en revient pas. Je le lis et je ne le crois pas. Alors, à défaut d'avoir réussi à découvrir quelle était la nature de l'intrigue qui structure l'histoire de la littérature, une mystérieuse affaire de vertu et d'honneur, je crois qu'on assiste là à un rebondissement majeur de celle-ci. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie d'Avril Poignant-Le Goff, de Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Hubert. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur la vieillesse. On parlera demain du texte de Simone de Beauvoir qui s'appelle « La vieillesse » et ce sera en compagnie de la philosophe Manon Garcia. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, vieillissez bien sur France Culture.